Elle s'aime et elle s'en fout, yeah. Elle s'aime et elle s'en fout, yeah. Elle s'aime et elle s'en fout, yeah. Elle s'aime et elle s'en fout, yeah. Elle s'aime et elle s'en fout. Que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Peu lui importe niquer mon groupe. Elle s'aime et elle s'en fout, yeah. Elle s'aime et elle s'en fout. Elle s'en fout que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Peut lui importe niquer mon goût. Attendez, je vous explique l'histoire, c'est un peu chelou. C'est devant ma meuf qu'une autre fille m'a fait les yeux doux. J'ai fait comme si je voyais rien, je veux pas de problème. Vous savez faire l'innocence, c'est mon domaine. Donc là on va s'asseoir et elle me guette encore. La bébé m'embrouille alors que je suis pas en tort. Vous connaissez les meufs, elle dit que j'ai regardé aussi. Je lui ai répondu chérie là c'est trop facile. Et bon là c'est parti en couille, elle a pris son sac et tout. Elle est rentrée à la maison. Moi je viens d'arriver ici, c'est le feu dans le Caribe. Donc je la laisse partir sans pression. Yeah. Yeah yeah. Elle est rentrée à la maison. Yeah. Yeah, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout. Que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Peu lui importe niquer mon couple. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout. Que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Okay. Mon goût. Yeah. Donc là on est dans la boîte, toujours avec quelques potes. Je la trouve super chelou, un comportement d'escorte. Je calcule pas et j'ai une envie pressante de pisser. Dites-vous qu'elle m'a même suivi jusqu'à la porte. Oh là j'ai compris qu'elle est prête à tout. Elle veut mon bouche, lui ai dit qu'il y aura rien entre nous. Yeah. Si tu veux là-bas, y'a mon poteau, il est open bar. Avec moi tu peux arrêter tes appels de phare. Franchement elle a vraiment bien réagi. Je pensais l'avoir s'énervé mais elle a fait sa route au calme. Je vous cache pas que j'ai trouvé ça chelou. Au début c'est les yeux doux, maintenant je lui limite plus sa cam. Yeah, yeah yeah. Maintenant je lui limite plus sa cam. Yeah, yeah yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout. Que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Peu lui importe niquer mon groupe. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout, yeah. Elle s'est mis, elle s'en fout. Que j'ai ma go, elle veut mon bigo. Peu lui importe niquer mon groupe. Hey. Là je suis trop mat, ce que je viens d'apprendre c'est trop grave. Un pote vient montrer que ma meuf la follow sur Instagram. Donc si je calcule bien, je crois que ma meuf voulait me tester. Je lui ai toujours dit que je suis pas ses ex bouffons. Vénère, je rentre à la maison et je l'insulte sa race. Je veux pas savoir la raison, ni pourquoi t'as fait ça. Donc maintenant si je te trompe, ça atteindra pas ma conscience. Au moins t'auras de bonnes raisons de plus avoir confiance, ouais.